plus occupée de la gloire de celui qu'elle aimait que de sa propre gloire, Madame du Châtelet interrompit ses travaux pour écrire une défense de Voltaire et le venger d'un infâme libelle que l'abbé Desfontaines venait de publier contre lui. Il faut voir dans sa correspondance avec M. d'Argental, qui recommence à cette époque, 1738, avec quelle chaleur elle prend la défense de son ami et comme elle s'irrite de la tiédeur de Thiriot qui semble trahir ses intérêts. « Je viens de voir cet affreux libelle, écrit-elle le 6 décembre. Je suis au désespoir. Je crains plus la sensibilité de votre ami que le public, car je suis persuadée que les cris de ce chien enragé ne peuvent nuire. J'ai empêché qu'il ne le vît. La fièvre ne l'a pas quitté aujourd'hui. Il s'évanouit hier deux fois. Il est dans un grand affaiblissement. Et je craindrais infiniment si, dans l'état où il se trouve, son âme éprouvait quelque secousse violente. Il est sur cela d'une sensibilité extrême. Voilà de quoi le faire mourir. Il n'y a point de fraude que je n'invente pour lui adoucir des nouvelles si affligeantes, et je n'ose me flatter d'y réussir toujours. Vous, mon cher ami, qui connaissez l'extrême sensibilité de mon cœur, vous devez concevoir tout ce que je souffre et l'état violent où je suis. Je ressens vivement ses injures et sa douleur. Si Thiriot n'est pas le plus malhonnête homme et le plus ingrat, il doit être outré de la façon dont on y parle de son amitié pour M. de Voltaire. » Malgré les précautions ingénieuses de Madame du Châtelet, Voltaire eut connaissance du libelle de l'abbé Desfontaines et y répondit lui-même par un mémoire. Cette dispute préoccupa le public et tourmenta Madame du Châtelet pendant plus d'une année. En mai 1739, Madame du Châtelet écrivait encore à M. d'Argental « Je vous envoie un billet de 300 livres sur mon notaire à vue. Je vous prie de l'employer à retirer tout ce qui concerne cette malheureuse affaire. Votre ami n'en sait rien et je ne le lui dirai point. Vous en sentez la nécessité. » On le voit, toujours le même dévouement, actif, caché, délicat. L'année 1738 semble clore ces belles années d'amour, de travail et de solitude que Madame du Châtelet et Voltaire passèrent à Cirey. À l'affaire du libelle vinrent se joindre d'autres affaires qui les forcèrent à s'éloigner de leur retraite. Madame du Châtelet venait d'acheter à Paris l'hôtel Lambert dans l'île Saint-Louis. Un hôtel, écrivait Voltaire, au prince royal de Prusse, bâti par un des plus grands architectes de France et peint par Lebrun et Le Sueur. C'est une maison faite pour un souverain qui serait philosophe. Voltaire et Madame du Châtelet devaient habiter cette royale demeure tous les hivers, mais un procès les obligea à séjourner plusieurs années en Hollande. Madame du Châtelet avait à liquider tous les biens de sa maison qui étaient engagés. Elle dut poursuivre elle-même cette grande affaire pour laquelle elle rédigea des mémoires avec la même netteté et la même force qu'elle mettait dans ses ouvrages de géométrie. Se trouvant en Hollande, 1739, Madame du Châtelet alla visiter avec Voltaire une petite principauté qui s'appelait Beringen, près de Liège, et qui venait de lui être laissée en héritage par un de ses oncles. C'est en arrivant dans ce domaine féodal que Voltaire écrivait à Madame de Chambonin « Mon aimable gros chat, j'ai reçu votre lettre à Bruxelles. Nous voici en fin fond de la Barbarie, dans l'empire de son Altesse Monseigneur le Marquis de Trichâteau, qui, je vous jure, est un assez vilain empire. Si Madame du Châtelet demeure longtemps dans ce pays-ci, elle pourra s'appeler la Reine des Sauvages. Nous sommes dans l'auguste ville de Beringen, et demain nous allons au superbe château de Ham, où il n'est pas sûr qu'on trouve des lits, ni des fenêtres, ni des portes. On dit cependant qu'il y a ici une troupe de voleurs. En ce cas, ce sont des voleurs qui font pénitence. Je ne connais que nous de gens volables. Le plénipotentiaire Montor avait assuré M. du Châtelet que les citoyens de son auguste ville lui prêteraient beaucoup d'argent, mais je doute qu'il puisse prêter de quoi envoyer au marché. Cependant, Émilie fait de l'algèbre, ce qui lui sera d'un grand secours dans le cours de sa vie et d'un agrément dans la société. Moi, chétif, je ne sais encore rien, sinon que je n'ai ni principauté ni procès et que je suis un serviteur fort utile. » Une pointe de raillerie commence à percer dans ce billet. On y devine une sorte de lassitude de suivre en tout lieu la divine Émilie. On resta peu de jours dans ce vieux château démantelé. Le procès de Madame du Châtelet l'obligea de retourner à Bruxelles, mais là, comme partout, les plaisirs venaient la distraire du travail et des affaires. Voltaire lui donna une fête brillante, à laquelle assistèrent la princesse de Chimay et le duc d'Arembert, qui reçurent tour à tour dans leur château Madame du Châtelet et son amie. Ce procès, qui fut une grande affaire dans la vie de la marquise, dura près de 5 ans et la détermina à se fixer à Bruxelles. Elle ne venait plus que rarement à Ciré ou à Paris, et pour y passer très peu de temps. C'est à Bruxelles, en 1740, Frédéric, devenu roi de Prusse, envoya M. de Camas en ambassade à Voltaire, qui lui écrivit à ce sujet « Je volais hier chez cet aimable M. de Camas, envoyé chanter par son roi, et dans le peu qu'il m'en dit, j'appris que votre majesté, que j'appellerai toujours votre humanité, vit en roi plus que jamais, et qu'après avoir fait sa charge de roi sans relâche les 3/4 de la journée, elle jouit le soir des douceurs de l'amitié qui sont si au-dessus de celles de la royauté. Nous allons dîner dans une demi-heure tous ensemble chez la marquise du Châtelet. Jugez, sire, quelle sera sa joie et la mienne. Depuis l'apparition de M. de Kesserling, nous n'avons pas eu un si beau jour. » Comme contraste, on peut lire le récit très plaisant que fait Voltaire dans ses mémoires de cette ambassade de M. de Camas. Voltaire et le roi de Prusse, qui jusqu'à l'année 1740 ne s'étaient connus que par correspondance, se virent pour la première fois au commencement de cette année. Madame du Châtelet aurait désiré assister à cette entrevue qui eut lieu dans le duché de Clèves. Mais le roi de Prusse, en qui déjà le soldat effaçait le philosophe et le poète, oubliant son ancienne galanterie pour la marquise, écrivit à ce sujet à Voltaire « À vous parler franchement, touchant le voyage de Madame du Châtelet, c'est Voltaire, c'est vous, c'est mon ami que je désire voir. Et la divine Émilie, avec toute sa divinité, n'est que l'accessoire d'Apollon newtonianisé. » Puis, dans une autre lettre légèrement ironique, « S'il faut absolument qu'Émilie accompagne Apollon, j'y consens. Mais si je puis vous voir seul, je préférerais le dernier. Je serais trop ébloui, je ne pourrais supporter tant d'éclats à la fois. Il me faudrait le voile de Moïse pour tempérer les rayons mêlés de vos deux divinités. » Voltaire partit seul, et après avoir passé quelques jours auprès du roi de Prusse, il vint rejoindre Madame du Châtelet à Bruxelles. Mais bientôt Frédéric attira de nouveau Voltaire qui alla le voir à Berlin. Quelques passages de sa correspondance à cette époque semblent indiquer que son affection pour Madame du Châtelet commençait à décroître. Il écrit à Madame de Chambonnin d'un ton railleur « Elle est plus savante que jamais, et si sa supériorité lui permet encore de baisser les yeux sur moi, ce sera une belle action à elle, car elle est bien haute. Il faut qu'elle cligne les yeux en regardant en bas pour me voir. » Et au roi de Prusse, « Je veux partir, Madame du Châtelet ne pourra m'en empêcher, je quitterai Minerve pour Apollon. » Madame du Châtelet rend ainsi compte de ce voyage à son ami, M. d'Argental. « Je vous assure, mon cher ami, que depuis que je vous ai quitté, j'ai été bien à plaindre, car j'ai joint au chagrin de l'absence une inquiétude affreuse sur les suites et les risques d'un voyage toujours très fatigant, mais que les débordements et la saison avaient rendu très périlleux. Il a été 12 jours sur l'eau, pris dans les glaces de la haie, ici. Je n'ai pu avoir pendant ce temps-là de ses nouvelles, et la tête a failli m'en tourner. Enfin, il est arrivé, se portant assez bien, à une fluxion sur les yeux près. Tous mes maux sont finis, et il me jure bien qu'ils sont finis pour toujours. Le roi de Prusse est bien étonné qu'on le quitte pour aller à Bruxelles. Le roi ne conçoit pas de certains attachements. Il faut croire qu'il en aimera mieux ses amis. Il n'y a rien qu'il n'ait fait pour retenir l'autre, et je le crois outré contre moi, mais je le défie de me haïr plus que je ne l'ai haï depuis 2 mois. Voilà, vous l'avouerez, une plaisante rivalité. Je ne crois pas qu'il y ait une plus grande contradiction que l'invasion de la Silésie et de l'anti-Machiavel. Mais il peut prendre toutes les provinces qu'il voudra, pourvu qu'il ne prenne plus ce qui fait le charme de ma vie. Voltaire, chargé d'une négociation auprès du roi de Prusse, s'éloigna de nouveau de Madame du Châtelet pour aller rejoindre ce prince en Franconie. Durant cette absence, il écrivit plus rarement encore que pendant la précédente. Madame du Châtelet comprit que les sentiments de son ami n'étaient plus les mêmes. « Je viens enfin de recevoir une lettre, écrit-elle, le 10 octobre 1743, à Monsieur d'Argental. Elle a 4 lignes. Il est clair par cette lettre qu'il a été 15 jours sans m'écrire. Il ne me parle point de son retour, que de choses à lui reprocher, et que son cœur est loin du mien. Mais puisqu'il se porte bien, je n'ai plus de reproches à lui faire, et je suis trop heureuse. Et quelques jours après, elle écrit de Bruxelles. Je fais des réflexions bien cruelles. Je crois qu'il est impossible d'aimer plus tendrement et d'être plus malheureuse. Imaginez que pendant que M. de Voltaire pouvait et devait partir pour revenir ici, après m'avoir juré 1000 fois dans ses lettres qu'il ne serait pas à Berlin plus longtemps qu'en 1740, et il y fut 10 jours, dans ce temps-là, il va à Barrette, où assurément il n'avait que faire. Il y passe 15 jours sans le roi de Prusse et sans m'écrire une seule ligne. Il s'en retourne à Berlin et y passe encore 15 jours. Et que sais-je? Peut-être y passera-t-il toute sa vie. Et en vérité, je le croirais si je ne savais pas qu'il a des affaires qui le rappellent indispensablement à Paris. Il m'écrit donc 4 lignes en passant dans un cabaret sans m'expliquer les raisons de son séjour à Barrette, ni celles de son silence, sans me parler de son retour, ni de son nouveau séjour à Berlin. Enfin, il m'écrit un billet tel qu'il m'en écrivait un de sa chambre à la mienne. Et voilà la seule chose que j'ai reçue de lui depuis le 14 septembre, c'est-à-dire depuis plus d'un mois. Concevez-vous que quelqu'un qui me connaît m'expose à cette douleur et à toutes les imprudences dont il sait bien que je suis capable quand je suis inquiète de lui. Vous savez ce qu'il m'en a coûté. J'ai pensé réellement en mourir, et j'en ai encore une petite fièvre lente qui se marque en double tierce et qui me prépare un bien triste hiver. C'est un miracle que je n'ai pas passé l'île. Dans l'excès de mon inquiétude et de ma douleur, je ne sais où j'aurais pu aller. La fièvre m'en a préservé. Mais je ne vous cache point que mon cœur est ulcéré et que je suis pénétrée de la plus vive douleur. Avoir à me plaindre de lui est une sorte de supplice que je ne connaissais pas. J'ai éprouvé à la vérité une situation plus cruelle, celle de trembler pour sa vie. Mais je pouvais espérer que mes craintes étaient chimériques. Il n'y a point de ressource à ces procédés pour moi. Je sais par une lettre du 4 octobre que Monsieur de Potteville a reçu de lui et qu'il m'a envoyé de La Haye qu'il comptait partir de Berlin le 11 ou le 12. Mais ce n'était pas un projet arrêté, et quelque opéra ou quelque comédie pourra bien le déranger. Il est singulier que je reçoive de ces nouvelles par les ministres étrangers et par les gazettes. Cependant, je suis ici, où je fais semblant d'avoir affaire, mais mon esprit n'en est pas capable. Heureusement qu'il n'y a pas de quoi s'exercer. Je l'attendrai s'il revient ce mois-ci, mais si son retour se retardait, comme rien n'est plus possible, je retournerai chercher auprès de vous une consolation dont je suis bien incapable, et je compte aller ensevelir cet hiver mes chagrins à Cirey. Ne montrez cette lettre à personne. Je sens une triste consolation à vous ouvrir mon cœur. Le temps ni les torts ne feront rien sur moi, et je vois bien, par ce que j'éprouve, que la source de mes chagrins est intarissable. Le 22 octobre 1743, elle écrit encore de Bruxelles. Je ne reconnais plus celui d'où dépend et mon mal et mon bien, ni dans ses lettres, ni dans ses démarches. Il est ivre, absolument. Je sais enfin, par l'envoyé de Prusse à La Haye, qu'il est parti de Berlin le 12. Il doit passer par Brunswick, car il est fou des cours d'Allemagne. Enfin, il met 12 jours pour revenir de Berlin à La Haye, et il n'en a mis que 9 à y aller. Je sens bien que 3 jours, dans une autre situation, ne devraient pas être reprochés. Mais quand vous songerez qu'il a fait durer 5 mois une absence qui devait être au plus de 6 semaines, qu'il est resté 15 jours à Barrette sans le roi de Prusse, qu'il a passé à son retour 15 jours de plus à Berlin, qu'il a été 3 semaines entières sans m'écrire, et que depuis 2 mois j'apprends ses desseins et ses démarches par les ambassadeurs et par les gazettes, vous sentirez aisément combien je suis à plaindre. Tout ce que j'ai éprouvé depuis 1 mois détacherait peut-être tout autre que moi, mais s'il peut me rendre malheureuse, il ne peut diminuer ma sensibilité. Je sens que je ne serai jamais raisonnable. Je ne le voudrais pas même quand il ne tiendrait qu'à moi, et malgré tout ce que je souffre, je suis bien persuadée que celui qui aime le mieux est encore le plus heureux. Je ne vous dirai point que ma santé ne soit fort délabrée. Je tousse continuellement, j'ai un mal affreux entre les deux épaules, et j'ai de plus une douleur fixe au côté droit. Je crois au foie, et qui ne me quitte point. Je ne suis pas à présent assez heureuse pour être fort affectée de mon état. Cependant, je vous avoue que je voudrais être à Paris. Ma fièvre est pourtant diminuée, et ce n'est presque plus rien. Une autre, comme moi, en serait morte, et peut-être serait-ce encore le meilleur. Ce dernier cri du cœur ne semble-t-il pas un pressentiment de ce qu'il attendait? Oui, c'eût été le meilleur de mourir alors, de ne pas essayer de recommencer sa vie et de rouvrir son âme aux passions. Par ces lettres écrites, dans tout l'abandon du sentiment, on voit qu'après 10 ans de durée, l'amour de Madame du Châtelet pour Voltaire est resté aussi tendre, aussi profond qu'au premier jour. Mais lui n'était plus qu'un ami tiède, ne pouvant plus donner et ne désirant plus inspirer que de l'amitié. En vain, à son retour, écrivait-il à Madame de Chambonnin « Mon corps a voyagé, mon cœur est toujours resté auprès de Madame du Châtelet. » Il ne put faire rentrer la confiance dans cette âme blessée. Plus galant que tendre, il s'efforçait désormais de cacher sous des paroles courtoises l'absence de l'amour. Le mal était fait, ils restèrent amis, mais le charme des années précédentes avait disparu. Madame du Châtelet nous raconte elle-même, dans un petit écrit et en pourtitre « Réflexion sur le bonheur », la transformation de ses sentiments. « La passion, dit-elle, qui peut nous donner les plus grands plaisirs et nous rendre le plus heureux, met entièrement notre bonheur dans la dépendance des autres. On voit que je veux parler de l'amour. Cette passion est peut-être la seule qui puisse nous faire désirer de vivre et nous engager à remercier l'auteur de la nature, quel qu'il soit, de nous avoir donné l'existence. Milord Rochester a bien raison de dire que les dieux ont mis cette goutte céleste dans le calice de la vie pour nous donner le courage de la supporter. Si ce goût naturel, qui est un sixième sens, le plus fin, le plus délicat, le plus précieux de tous, se trouve rassemblé dans deux âmes également sensibles, également immuables, également susceptibles de bonheur et de plaisir, tout est dit. On n'a plus rien à faire pour être heureux, tout le reste est indifférent. Il faut employer toutes les facultés de son âme à jouir de ce bonheur. Je ne sais cependant si l'amour a jamais rassemblé deux personnes faites à tel point l'une pour l'autre qu'elles ne connussent jamais la satiété de la jouissance, ni le refroidissement qu'entraîne la sécurité, ni l'indolence et la tiédeur qui naissent de la facilité et de la continuité d'un commerce dont l'illusion ne se détruit jamais. Car où entre-t-il plus que dans l'amour, et dont l'ardeur enfin fut égale dans la jouissance et dans la privation, et put supporter également les malheurs et les plaisirs. Un cœur capable d'un tel amour, une âme si tendre et si ferme, semble avoir épuisé le pouvoir de la divinité. Il en est une en un siècle, il semble qu'en produire deux soit au-dessus de ses forces, ou que, si elle les avait produites, elle serait jalouse de leur plaisir si elles se rencontraient. Mais l'amour peut nous rendre heureux à moins de frais. Une âme tendre et sensible est heureuse par le seul plaisir qu'elle trouve à aimer. Je ne veux pas dire par là qu'on puisse être parfaitement heureux en aimant quoi qu'on ne soit pas aimé. Mais je dis que, quoique nos idées de bonheur ne soient pas également remplies par l'amour de l'objet que nous aimons, le plaisir que nous sentons à nous livrer à toute notre tendresse peut suffire pour nous rendre fort heureux. Et si cette âme a encore le bonheur d'être susceptible d'illusion, il est impossible qu'elle ne se croie pas plus aimée qu'elle ne l'est peut-être en effet. Elle doit tant aimer qu'elle aime pour deux, et que la chaleur de son sentiment supplée à ce qui manque réellement à son bonheur. Il faut sans doute qu'un caractère sensible, vif et emporté, paie le tribut des inconvénients attachés à ses qualités. Je ne sais si je dois dire bonne ou mauvaise, mais je crois que quiconque composerait son individu les y ferait entrer. La première passion emporte tellement hors de soi une âme de cette trempe qu'elle est inaccessible à toute réflexion et à toute idée modérée. Elle peut sans doute se préparer de grands chagrins, mais le plus grand inconvénient attaché à cette sensibilité emportée, c'est qu'il est impossible que quelqu'un qui aime à cet excès soit aimé, et qu'il n'y a presque point d'homme dont le goût ne diminue par la connaissance d'une telle passion. Cela doit sans doute paraître bien étrange à qui ne connaît pas encore assez le cœur humain. Mais pour peu qu'on ait réfléchi, sur ce que nous offre l'expérience, on sentira que, pour conserver longtemps le cœur de son amant, il faut toujours que l'espérance ou la crainte agissent en lui. Or, une passion telle que je viens de la dépeindre produit un abandonnement de soi-même qui rend incapable de tout art. L'amour perce de tous côtés, on commence par vous adorer, cela est impossible autrement, mais bientôt la certitude d'être aimé, l'ennui d'être toujours prévenu, le malheur de n'avoir rien à craindre, émousse ses goûts. Voilà comment est fait le cœur humain, et qu'on ne croit pas que j'en parle par rancune. J'ai reçu de Dieu, il est vrai, une de ces âmes tendres et immuables qui ne savent ni déguiser ni modérer leurs passions, qui ne connaissent ni l'affaiblissement ni le dégoût, et dont la ténacité sait résister à tout, même à la certitude de n'être plus aimée. Mais j'ai été heureuse pendant 10 ans par l'amour de celui qui avait subjugué mon âme, et ces 10 ans, je les ai passés tête à tête avec lui, sans aucun moment de dégoût et de langueur. Quand l'âge et les maladies, peut-être aussi la satiété de la jouissance, ont diminué son goût, j'ai été longtemps sans m'en apercevoir. J'aimais pour deux, je passais ma vie entière avec lui, et mon cœur, exempt de soupçons, jouissait du plaisir d'aimer et de l'illusion de se croire aimé. Il est vrai que j'ai perdu cet état si heureux et que ça n'a pas été sans qu'il m'en ait coûté bien des larmes. Il faut de terribles secousses pour briser de telles chaînes. La plaie de mon cœur a saigné longtemps. J'ai eu lieu de me plaindre et j'ai tout pardonné. J'ai été assez juste pour sentir qu'il n'y avait peut-être au monde que mon cœur qui eût cette immutabilité, qui anéantit le pouvoir des temps, que si l'âge et ses maladies n'avaient pas entièrement éteint ses désirs, ils auraient peut-être encore été pour moi, et que l'amour me l'aurait ramené. Enfin, que son cœur, incapable d'amour, m'aimait de l'amitié la plus tendre, et m'aurait consacré sa vie. La certitude de l'impossibilité du retour de son goût et de sa passion, que je sais bien qu'il n'est pas dans la nature, a amené insensiblement mon cœur au sentiment paisible de l'amitié, et ce sentiment, joint à la passion de l'étude, me rendait assez heureuse. Voltaire, affaibli par les infirmités, vieillard avant l'âge, semble avoir répondu à ces pages d'un cœur toujours jeune et passionné par ces vers bien connus adressés à Madame du Châtelet. Si vous voulez que j'aime encore, rendez-moi l'âge des amours, etc. Les séjours à Cirey devenaient de plus en plus rares. Les fêtes du mariage du dauphin attirèrent Voltaire et Madame du Châtelet à Fontainebleau, où l'on représenta devant la cour la princesse de Navarre. Un jour, Madame du Châtelet faillit être étouffée au milieu de la foule qui se pressait aux réjouissances publiques par lesquelles Paris célébrait ce mariage. « Savez-vous bien, très adorable président, écrit à ce sujet Voltaire au président Hainaut, que vous avez tiré Madame du Châtelet du plus grand embarras du monde, car cet embarras commençait à la Croix des Petits Champs et finissait à l'hôtel de Charost. C'était des reculades de 2000 carrosses en 3 files, des cris de 200 000 ou 300 000 hommes semés auprès des carrosses, des ivrognes, des combats à coups de poing, des fontaines de vin et de suif qui coulaient sur le monde, le guet à cheval qui augmentait l'imbroglio, et pour comble d'agrément, son Altesse royale revenant paisiblement au palais royal, ses gardes, ses pages, et tout cela ne pouvant ni reculer ni avancer jusqu'à 3 heures du matin. J'étais, avec Anne du Châtelet, un cocher qui n'était jamais venu à Paris, l'allait faire rouer intrépidement. Elle était couverte de diamants, elle met pied à terre, criant à l'aide, traverse la foule, sans être ni volée ni bourrée, entre chez vous, envoie chercher la poularde chez le rôtisseur du coin, et nous buvons à votre santé tout doucement dans cette maison où tout le monde voudrait vous voir. Quoiqu'elle eût alors près de 40 ans, Madame du Châtelet aimait encore, comme dans sa première jeunesse, les fêtes, les spectacles, le jeu. Une partie de ses nuits, et presque chaque matinée, était donnée à l'étude des sciences, et pour reposer sa tête après ses heures d'un travail assidu, le mouvement du monde lui était nécessaire. Vive, enjouée, passionnée, même pour des distractions, elle réunissait souvent ses amis, la duchesse de Boufflers, les marquises de Mailly, de Gouvernet, du Défend, et Madame de la Popelinière. Parfois, ces dames se donnaient des soupers dont les hommes étaient exclus. Un jour d'été, Madame du Châtelet les conduisit à Chaillot, dans un cabaret nommé la Maison Rouge. Les six amis s'assirent autour d'une table couverte de fleurs, de vins exquis et des mets les plus recherchés. Un seul laquais faisait le service. Au dessert, il fut éloigné. Ces dames restèrent réunies jusqu'à 5 heures du matin, riant, chantant et devisant sur toutes choses. Que d'esprit il dut se dépenser là! Que de mordant chez Madame du Deffand! Que de sensibilité chez Madame de la Popelinière! Que de grâce chez la marquise de Boufflers! Quant à Madame du Châtelet, son cœur et son esprit pouvaient prendre tous les tons. Nous avons dit que Madame du Châtelet aimait le jeu. Voltaire écrivait au marquis d'Argenson « Est-il possible que ce soit Madame de Pompadour qui, à 22 ans, déteste la cavagnole et que ce soit Madame du Châtelet Newton qui l'aime ?» Une nuit de cette époque, 1740, Madame du Châtelet était à Fontainebleau, au jeu de la Reine. Elle perdit 800 louis. C'était tout ce qu'elle et Voltaire avaient apporté d'argent. Elle s'obstine à jouer sur parole, espérant changer la fortune, et elle perdit encore 84 000 francs avec un intrépide sang-froid. Voltaire, qui était auprès d'elle, lui dit en anglais que sa passion pour le jeu l'aveuglait et l'empêchait de s'apercevoir qu'elle avait affaire à des fripons. Ces paroles, quoique prononcées à voix basse, furent entendues de quelques personnes. Des suites fâcheuses pouvaient en résulter. La reine en avertit Voltaire qui se retira. Il partit la nuit même de Fontainebleau avec Madame du Châtelet. Ils se cachèrent quelque temps à la petite cour de Sceaux, chez la duchesse Dumaine, cette princesse dont Fontenelle disait qu'elle voulait dans les divertissements de sa cour que la gaieté eût de l'esprit. Voici comment Madame de Staël, dame d'honneur de la duchesse, raconte leur arrivée dans une lettre adressée à Madame du Deffand. Madame du Châtelet et Voltaire, qui s'étaient annoncés pour aujourd'hui et qu'on avait perdu de vue, parurent hier sur le minuit comme deux spectres, avec une odeur de corps embaumé qu'ils semblaient avoir apporté de leur tombeau. On sortait de table, c'étaient pourtant des spectres affamés. Il leur fallut un souper, et qui plus est des lits qui n'étaient pas préparés. Le concierge, déjà couché, se leva en grande hâte. Et 2 jours après, Madame de Staël écrit encore, d'un ton railleur, à sa railleuse amie, « Nos revenants ne se montrent point de jour. Ils apparurent hier à 10 heures du soir. Je ne pense pas qu'on les voit guère plus tôt aujourd'hui. L'un est à écrire de hauts faits, l'autre à commenter Newton. Ils ne veulent ni jouer ni se promener. Ce sont bien des non-valeurs dans une société où leurs doctes écrits ne sont d'aucun rapport. » Bientôt, cependant, des fêtes s'organisèrent à la petite cour de Sceaux, sous la direction de Voltaire et de Madame du Châtelet. La comédie, l'opéra, les bals, les concerts se succédaient. On représenta des comédies de Voltaire et des opéras de Rameau, dans lesquels Madame du Châtelet jouait et chantait les principaux rôles. Elle fut charmante dans la pastorale d'Issé de Houdard de la Motte, et Voltaire lui adressa à cette occasion ses vers qui tournent au madrigal. Charmante Issé, vous nous faites entendre dans ces beaux lieux les sons les plus flatteurs, ils vont droit à nos cœurs. Leibniz n'a point de monade plus tendre, Newton n'a point d'X plus enchanteur. Après avoir passé quelques semaines chez la duchesse Dumaine, Voltaire et Madame du Châtelet retournèrent à Paris. Mais lassés bientôt de cette vie oisive et dissipée, l'amour de l'étude, à défaut d'un sentiment plus tendre, les attira de nouveau dans leur chère retraite de Cirey. Ils partirent au mois de janvier. La terre était couverte de neige, le froid était des plus vifs. Madame du Châtelet aimait à voyager la nuit. Arrivée près de Nangis, sa voiture se brisa, et comme on était éloigné de toute habitation, nos deux voyageurs furent obligés d'attendre longtemps sur la grande route. Monsieur de Voltaire et Madame du Châtelet, dit Longchamp dans ses mémoires, s'étaient assis à côté l'un de l'autre sur les coussins du carrosse qu'on avait retiré et porté sur le chemin couvert de neige. Là, presque transis de froid malgré leur fourrure, ils admiraient la beauté du ciel. Il est vrai qu'il était parfaitement serein. Les étoiles brillaient du plus vif éclat, l'horizon était à découvert, aucune maison, aucun arbre, n'en dérobait la moindre partie à leurs yeux. On sait que l'astronomie a toujours été une des études favorites de nos deux philosophes, ravis du magnifique spectacle déployé au-dessus et autour d'eux, ils dissertaient en grelottant sur la nature et le cours des astres, sur la destination de tant de globes immenses répandus dans l'espace. Il ne leur manquait que des télescopes pour être parfaitement heureux. Leur esprit égaré dans la profondeur des cieux, ils ne s'apercevaient plus de leur triste position sur la terre, ou plutôt sur la neige et au milieu des glaçons. On aime à revoir dans ce tableau Madame du Châtelet étudiant le cours des astres comme la muse antique, véritable Uranie, ainsi que Voltaire se plaît à la nommer quelquefois. Combien elle nous paraît plus noble et plus intelligente en contemplant dans cette solitude les splendeurs du ciel, que lorsque dans les boudoirs ambrés de cirée, elle condescendait à entendre des chants de ce poème de Voltaire qu'on ose à peine indiquer. On le voit, si le monde attirait Madame du Châtelet, il ne pouvait la fixer. Le goût de l'étude l'emportait en elle sur le goût des plaisirs. Chose remarquable, malgré les charmes de sa personne et de son esprit, malgré la célébrité qu'elle s'était acquise dans les sciences, elle ne pensa jamais à avoir un salon littéraire, un centre de beaux esprits, et ne partagea point à cet égard la passion de Madame du Deffand et de Madame Geoffrin, et de quelques autres femmes de ce temps. Elle aimait l'étude pour elle-même, dans la retraite, sans se préoccuper des suffrages du monde. « Jamais femme, dit Voltaire, ne fut si savante qu'elle, et jamais personne ne mérita moins qu'on dit d'elle, c'est une femme savante. Elle ne parlait jamais de science qu'à ceux avec qui elle croyait pouvoir s'instruire, et jamais n'en parla pour se faire remarquer. On ne la vit point rassembler de ces cercles où il se fait une guerre d'esprit, où l'on établit une espèce de tribunal, où l'on juge son siècle, par lequel, en récompense, on est jugé très sévèrement. Elle a vécu longtemps dans des sociétés où l'on ignorait ce qu'elle était, et elle ne prenait pas garde à cette ignorance. Après un nouvel hiver passé à Cirey, dans le travail et les distractions habituelles, spectacles, concerts donnés aux visiteurs et aux voisins de campagne, Voltaire et Madame du Châtelet partirent pour Lunéville. Stanislas, roi de Pologne et père de Marie Leszinska, femme de Louis XV, les appelait à sa petite cour. Comme chacun le sait, ce prince élu deux fois roi de Pologne n'en avait possédé que le titre, et chassé de ses états, avait obtenu en dédommagement de la perte d'une couronne l'usufruit de la Lorraine qu'il gouvernait temporairement, cette province appartenant de fait à la France par suite des traités de Vienne de 1735. Monsieur du Châtelet était un des premiers gentilshommes de Lorraine où il commandait un régiment. La marquise de Boufflers, amie de Madame du Châtelet, faisait les honneurs de la maison du roi de Pologne à Lunéville. On le voit, toutes les convenances se réunissaient pour y attirer Voltaire et Madame du Châtelet. De plus, un jésuite, confesseur de Stanislas, avait des vues secrètes sur Madame du Châtelet. Voltaire raconte plaisamment ce projet d'intrigue digne d'un révérend père de la Compagnie de Jésus. Le roi Stanislas donnait alors sa petite et agréable cour à Lunéville. Tout vieux et tout dévot qu'il était, il avait une maîtresse. C'était Madame la Marquise de Boufflers. Il partageait son âme entre elle et un jésuite nommé Menou, le plus intrigant et le plus hardi prêtre que j'ai jamais connu. Cet homme avait attrapé au roi Stanislas, par les importunités de sa femme qu'il avait gouvernée, environ 1 million, dont partie fut employée à bâtir une magnifique maison pour lui et pour quelques jésuites dans la ville de Nancy. Cette maison était dotée de 24 000 livres de rente, dont 12 pour la table de Menou et 12 pour donner à qui il voudrait. La maîtresse n'était pas à beaucoup près si bien traitée. Elle tirait à peine alors du roi de Pologne de quoi avoir des jupes, et cependant le jésuite enviait sa portion et était furieusement jaloux de la marquise. Ils étaient ouvertement brouillés. Le pauvre roi avait tous les jours bien de la peine, au sortir de la messe, à rapatrier sa maîtresse et son confesseur. Enfin, notre jésuite, ayant entendu parler de Madame du Châtelet, qui était très bien faite et encore assez belle, imagina de la substituer à Madame de Boufflers. Stanislas se mêlait quelquefois de faire d'assez mauvais petits ouvrages. mais nous crut qu'une femme auteur réussirait mieux qu'une autre auprès de lui, et le voilà qui vient cirer pour ourdir cette belle trame. Il cajole Madame du Châtelet et nous dit que le roi Stanislas sera enchanté de nous voir. Il retourne dire au roi que nous brûlons d'envie de venir lui faire notre cour. Stanislas recommande à Madame de Boufflers de nous amener. Et en effet, nous allâmes à Lunéville. Il arriva tout le contraire de ce que voulait le révérend père. Nous nous attachâmes à Madame de Boufflers et le jésuite eut deux femmes à combattre. C'est à Lunéville que Madame du Châtelet vit pour la première fois Saint Lambert, beau, froid, ayant de grandes manières et l'esprit du monde. Écrivain correct et poète médiocre, Saint Lambert ne doit de nos jours un reste de célébrité qu'à l'amour de deux femmes qui ont pu le préférer aux deux plus grandes renommées du XVIIIe siècle, Voltaire et Jean-Jacques Rousseau. À l'époque où Madame du Châtelet arriva à Lunéville, Saint Lambert avait 33 ans, 8 ans de moins que la marquise et 20 ans de moins que Voltaire. Il était alors capitaine au régiment des gardes Lorraine et attaché à la cour du roi Stanislas. Il s'était d'abord occupé de la marquise de Boufflers, dont le roi était fort jaloux. Mais la contrainte excessive qu'il devait s'imposer pour se rendre auprès d'elle le disposa à tenter, auprès de Madame du Châtelet, une séduction qui, pour lui, ne fut qu'un plaisir calculé. Pour elle, ce sentiment devint une passion sérieuse, la dernière, la plus ardente de sa vie. Madame du Châtelet était belle encore, mais touchait à cet âge où l'amour semble nous échapper et où quelques femmes s'y rattachent avec délire. C'est une étude curieuse et triste que cette lutte d'un cœur qui veut ressaisir les passions de la jeunesse et qui y parvient un instant à force de dévouement, d'exaltation, de sensibilité vraie, de douloureuse tendresse. La femme ramasse alors, pour ainsi dire, tous ses trésors de sentiments et les prodigue à l'homme qu'elle aime et pour qui tant d'amour ne compose souvent qu'une distraction passagère. Depuis longtemps, Madame du Châtelet n'avait plus d'amour pour Voltaire. Nous avons vu après quelles altérations successives ce sentiment s'était détruit, ou plutôt transformé en amitié. Le vide s'était fait lentement dans son cœur. Quand Saint Lambert se montra, la place était libre. L'amour-propre de Voltaire fut blessé à la découverte de cette passion nouvelle, mais son cœur ne fut pas atteint. Il resta stoïquement l'ami de Madame du Châtelet et de Saint Lambert. Celui-ci mettait un soin extrême à flatter le grand homme. Il lui prodiguait cet encens banal par lequel Voltaire se laissait trop facilement enivrer. C'était là le petit côté de ce grand esprit. Saint Lambert divinisait le poète et lui enlevait Émilie. La satisfaction de la vanité était un baume pour la blessure du cœur, si tant est que le cœur saignât. Les vers suivants adressés à cette époque par Voltaire à Saint Lambert annoncent une résignation exempte de douleur. Tandis qu'au-dessus de la terre, des aquilons et du tonnerre, la belle amante de Newton, dans les routes de la lumière, conduit le char du phaéton, sans verser dans cette carrière, nous attendons paisiblement, près de l'onde castalienne, que notre héroïne revienne de son voyage au firmament. Et nous assemblons pour lui plaire, dans ses vallons et dans ses bois, les fleurs dont Horace autrefois faisait des bouquets pour Glycère. Saint Lambert, ce n'est que pour toi, que ces belles fleurs sont écloses, c'est ta main qui cueille les roses, et les épines sont pour moi